Nombre chapitre 32. Or les enfants de Ruban et les enfants de Gad avaient beaucoup de bétail, et en fort grande quantité, ayant vu le pays de Jazé, et le pays de Galaa, voici, ils remarquèrent que ce lieu-là, était propre à tenir du bétail. Ainsi les enfants de Gad et les enfants de Ruban vinrent, et parlèrent à Moïse et à Éléazar le sacrificateur, et aux principaux de l'assemblée, en disant, Ataroth, et Dibon, et Jazé, et Nara, et Hesbon, et Elalé, et Sebam, et Nebo et Béon. Ce pays-là, que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël, est un pays propre à tenir du bétail, et tes serviteurs ont du bétail. Ils dirent donc, si nous avons trouvé grâce devant toi, que ce pays soit donné à tes serviteurs en possession, et ne nous fais point passer le Jourdain. Mais Moïse répondit aux enfants de Gad et aux enfants de Ruban, vos frères iront-ils à la guerre, et vous, demeurerez-vous ici? Pourquoi faites-vous perdre courage aux enfants d'Israël, pour ne point passer au pays que l'Éternel leur a donné? C'est ainsi que firent vos pères, quand je les envoyais de Kadès-Barnée pour reconnaître le pays. Car ils montèrent jusqu'à la vallée d'Escol, et virent le pays, puis ils firent perdre courage aux enfants d'Israël, afin qu'ils n'entrassent point au pays que l'Éternel leur avait donné. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamma en ce jour-là, et il jura, en disant, « Si les hommes qui sont montés hors d'Égypte, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, voient le pays pour lequel j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont point persévéré à me suivre, excepté Caleb, fils de Jephunné, Kénizien, et Josué, fils de Nun, car ils ont persévéré à suivre l'Éternel. » Ainsi la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les a fait errer par le désert 40 ans, jusqu'à ce que toute la génération qui avait fait, ce qui déplaisait à l'Éternel, ait été consumée. Et voici, vous vous êtes mis en la place de vos pères, comme une race d'hommes pécheurs, pour augmenter encore l'ardeur de la colère de l'Éternel contre Israël. Que si vous vous détournez de lui, il continuera encore à le laisser au désert, et vous ferez détruire tout ce peuple. Mais ils s'approchèrent de lui, et lui dirent, « Nous bâtirons ici des cloisons pour nos troupeaux, et les villes seront pour nos familles. Et nous nous équiperons pour marcher promptement devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons introduits en leur lieu, mais nos familles demeureront dans les villes murées, à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point en nos maisons que chacun des enfants d'Israël, n'ait pris possession de son héritage. Et nous ne posséderons rien en héritage avec eux au-delà du Jourdain, ni plus avant, parce que notre héritage nous sera échu au-dessus du Jourdain, vers l'Orient. » Et Moïse leur dit, « Si vous faites cela, et que vous vous équipiez devant l'Éternel pour aller à la guerre, et que chacun de vous, étant équipé, passe le Jourdain devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis de devant soi, et que le pays soit subjugué devant l'Éternel, et qu'ensuite vous vous en retourniez, alors vous serez innocents envers l'Éternel, et envers Israël, et ce pays ci vous appartiendra pour le posséder devant l'Éternel. Mais si vous ne faites point cela, voici, vous aurez péché contre l'Éternel, et sachez que votre péché vous trouvera. Bâtissez donc des villes pour vos familles, et des cloisons pour vos troupeaux, et faites ce que vous avez dit. » Alors les enfants de Gad et les enfants de Ruban parlèrent à Moïse, en disant, « Tes serviteurs feront comme mon Seigneur l'a commandé. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et toutes nos bêtes demeureront ici dans les villes de Galaa. Et tes serviteurs passeront, chacun armé, pour aller à la guerre devant l'Éternel, prêt à combattre, comme mon Seigneur a parlé. » Alors Moïse commanda, touchant eux, à Éléazar le sacrificateur, à Josué, fils de Nun, et aux chefs des pères des tribus des enfants d'Israël, et leur dit, si les enfants de Gad et les enfants de Ruban passent avec vous le Jourdain, tous armés, prêts à combattre devant l'Éternel, et que le pays vous soit assujetti, vous leur donnerez le pays de Galaa en possession. Mais s'ils ne passent point en armes avec vous, ils auront une possession parmi vous au pays de Chanaan. Et les enfants de Gad et les enfants de Ruban répondirent, en disant, nous ferons ainsi que l'Éternel a parlé à tes serviteurs. Nous passerons en armes devant l'Éternel au pays de Chanaan, afin que nous possédions pour notre héritage ce qui est de ça le Jourdain. Ainsi Moïse donna aux enfants de Gad et aux enfants de Ruban, et à la demi-tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Séon, roi des Amoréens, et le royaume d'Og, roi de Basan, le pays avec ses villes, Selon les bornes des villes du pays à l'environ, alors les enfants de Gad rebâtirent Dibon, Atarot, Aroé, Atrotsefan, Jazé, Jogbéa, Betnara et Betharan, Villemuré. Ils firent aussi des cloisons pour les troupeaux, et les enfants de Ruban rebâtirent Esbon, Elalé, Kirjatajim, Nebo, et Baalmeon, et Sibma, dont ils changèrent les noms, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils rebâtirent. Or les enfants de Makir, fils de Manassé, allèrent en Galaa, et le prirent, et dépossédèrent les Amoréens qui y étaient. Moïse donc donna Galaa à Makir, fils de Manassé, qui y habita. Jaïr aussi, fils de Manassé, s'en alla, et prit leur bourg, et les appela bourg de Jaïr. Et Noba s'en alla, et prit Kénaat, avec les villes de son ressort, et l'appela Noba, de son nom.